Ouais, yeah. Depuis que le fric m'a doucement caressé la joue droite, j'ai vu les gens qui mentent et viennent d'atteindre ce putain d'âge où je dois scruter l'agenda pour les dates d'anniversaire. Putétise et bosse et tard, trop ma vie mais la veine sert. Gros c'est dur, mais je plie pas, je suis pas leur fil à retordre. Un film hardcore du sky qui m'atrophie la gorge. Des visions de gorge et de cadavres et de haine sur le macadam. Traîne la peine d'une âme avec la dynam au bord des lèvres. Et pour les vrais frères, je pourrais gravir les vrais stés. Donner ma vie car un jour on va tous y rester. Le cœur lesté d'histoire et de naufrage quasiment réussi. Car ici on ne soigne pas nos blessures avec de l'éosine. Triste mais pas tant que ça frère. Attends y'a pire retour. Les mains prennent l'aller pour la gloire. Mes rares sont ceux qui ont pris le retour. Et pour cela nous prierons tous. En les retenant à bout de force, en les éloignant du vice. Car le chétan prend vie sous toute forme.